casser, je vais me casser. Tout le monde veut des usines aussi, faire le pétasser et tasser. Je pense à ce parti tout là-haut. Oh, oh, j'ai mal, j'ai pas les mots. Oh, jamais blues, pas de nord de go. Oh, le danger peut venir de ta go. Oh. Talkie, Walker, le guépi, je pense qu'il a espoir pour Walker. Ça fume le Marocki, ça connaît les chemins par cœur. Pour qui je me mêle, mon check est dans mon cœur. J'aime pas moi quand quelqu'un pleure. Prends pas exemple sur eux, c'est des lots qui volent leur mère. Tu sais pas d'où je viens, tu veux voir où je traîne. Viens, c'est genre la prête. Trop de chagrin, trop de problèmes. Je déguste quand je me promène. Je fais le tour de ma vie. Tu sais pas d'où je viens, tu veux voir où je traîne. Viens, c'est genre la pointe. Trop de chagrin, trop de problèmes. Je déguste quand je me promène. Je fais le tour de ma vie. Tu peux nous voir rire, rêver de billets. Crier, YMCA. Un bandit de PCJG 100. Sur GDAK, non signé. Descendre de la police. Tout le monde a détalé, ça braque à fond CG. A pied, fuite en tramway. Être sexy, G? Oui, scooter, cross, puis oui. Oui, s'il te plaît, pour la line. Oui, on dit merci qui? Merci d'en être platine. Merci le J, merci DP. Très peu agissent, beaucoup en été. Des vols cambriolage raté. Souvent incarcéré avant on l'été. On a la pétine au grand malade. Que des commandes de fausses, n'a qu'à la low. Non, vas-y, me fais pas la collade. Il y a encore, tu parlais dans mon dos. Même tes propres potos te baladent. Ils veulent faire couler le radeau. Quand tu veux passer la pommade, te vis pas à ma couleur de peau. Tu sais pas d'où je viens, tu veux voir où je traîne. Viens, c'est genre la pointe. Trop de chagrin, trop de problèmes. Je déguise quand je me promène. Je fais le tour de ma vie. Je fais le tour de ma vie. Tu sais pas d'où je viens, tu veux voir où je traîne. Viens, c'est genre la pointe. Trop de chagrin, trop de problèmes. Je déguise quand je me promène. Je fais le tour de ma vie. Je fais le tour de ma ville. Viens, c'est à la pointe. Je fais le tour de